Pourquoi je suis si malin ? Paragraphe 6 à 9. Je veux encore dire un mot pour expliquer à mes auditeurs les plus choisis ce que j'exige en somme de la musique. Il faut qu'elle soit sereine et profonde comme une après-midi d'octobre. Il faut qu'elle soit particulière, exubérante et tendre, que sa rouerie et sa grâce en fassent une douce petite femme. Je n'admettrai jamais qu'un Allemand puisse savoir ce que c'est que la musique. Ce que l'on appelle des musiciens allemands, et avant tout les plus grands, ce sont des étrangers, des Slaves, des Croates, des Italiens, des Hollandais, ou encore des Juifs. Dans d'autres cas, des Allemands de la forte race, de celle qui est aujourd'hui éteinte, des Allemands comme Henri Schütz, Bach et Handel. Moi-même, je me sens encore assez polonais pour faire bon marché du reste de la musique devant Chopin. Pour trois raisons, j'accepte le Siegfried Idyll de Wagner, peut-être encore certaines choses de Liszt, qui surpasse tous les musiciens par les accents nobles de son orchestration et, en fin de compte, tout ce qui est né de l'autre côté des Alpes. De ce côté-ci, je ne saurais me passer de Rossini, et moins encore de mon Midi dans la musique de mon maître vénitien Pietro Gasti. Et lorsque je dis de l'autre côté des Alpes, je dis en somme seulement Venise. Lorsque je cherche un autre mot pour exprimer le terme musique, je ne trouve toujours que le mot Venise. Je ne sais pas faire de différence entre les larmes et la musique. Je connais le bonheur de ne pas pouvoir imaginer autrement le Midi qu'avec un frisson de terreur. Accoudé au pont, j'étais debout dans la nuit brune. De loin, un chant venait jusqu'à moi. Des gouttes d'or ruisselaient sur la face tremblante de l'eau. Des gondoles, des lumières, de la musique. Tout cela voguait vers le crépuscule. Mon âme, l'accord d'une harpe, se chantait à elle-même, invisiblement touchée, un chant de gondolier, tremblant d'une béatitude diaprée. Quelqu'un l'écoute-t-il ? Dans tout cela, dans le choix de la nourriture, du lieu et du climat, dans le choix des divertissements, l'instinct de conservation commande, un instinct qui s'exprime de la façon la moins équivoque sous forme de défense de soi. S'abstenir de voir certaines choses, de les entendre, de les laisser venir à vous, premier commandement de la sagesse, première démonstration que l'on n'est pas un objet du hasard, mais une nécessité. Le mot courant pour cet instinct de défense s'appelle le goût. Son impératif commande non seulement de dire non, quand le oui serait une preuve de désintéressement, mais encore de dire non le moins possible. Se séparer, se mettre à part de ce qui obligerait toujours et encore à répondre par un non. La raison nous montre que les dépenses de force qui vont à la défensive, si petites qu'elles soient, lorsqu'elles deviennent la règle, l'habitude, provoquent chez nous un appauvrissement extraordinaire et parfaitement inutile. Mes grandes dépenses de force, ce sont les accumulations de petites dépenses. La préservation de soi, la défense des approches, nécessite une déperdition de force, que l'on ne s'y trompe pas, une dilapidation de l'énergie dans un but purement négatif. Quand on se tient sur la défensive, en prolongeant l'état précaire qui est conditionné par cette tactique, on finit par devenir tellement faible qu'on ne peut plus se défendre. Admettez que je sorte de ma maison, et qu'au lieu de me trouver dans une rue de la calme et aristocratique ville de Turin, je sois dans une petite ville allemande. Mon instinct aurait alors à se garer pour repousser tout ce qui viendrait à moi de ce monde écrasé et lâche. Ou bien encore je me trouverais dans une grande ville allemande, une création du vice, où rien ne pousse, où toute chose en bien et en mal est introduite du dehors. N'en serais-je pas réduit à me transformer en hérisson ? Mais se laisser pousser des piquances serait du gaspillage, double luxe, lors même qu'il nous est loisible de nous en passer et de garder les mains ouvertes. Une autre mesure de la sagesse et de la défense de soi consiste à réagir aussi rarement que possible, à se soustraire aux situations et aux conditions où l'on serait condamné à suspendre en quelque sorte sa liberté, son initiative, pour devenir un simple organe de réaction. Je prends comme terme de comparaison nos rapports avec les livres. Le savant qui, en somme, se contente de déplacer des volumes, chez le philologue de disposition moyenne, ce chiffre s'élève à environ 200 par jour, ce savant finit par perdre complètement la capacité de penser par lui-même. S'il ne remue pas de volume, il ne pense pas. Il répond à une excitation, une idée qu'il lit quand il pense. Et finalement, il se contente de réagir. Le savant dépense toute sa force à approuver et à contredire, à critiquer des choses qui ont été pensées par d'autres que lui. Lui-même ne pense plus jamais. L'instinct de défense s'est affaibli chez lui. Autrement, il se mettrait en garde contre les livres. Le savant est un décadent. J'ai vu de mes propres yeux des natures douées de dispositions abondantes et libres qui, lorsqu'elles ont atteint la trentaine, sont ruinées par la lecture. Elles ressemblent à des allumettes qu'il faut frotter pour qu'elles donnent des étincelles, des idées. Dès la première heure du matin, quand le jour se lève, quand l'esprit possède toute sa fraîcheur, quand la force est à son aurore, lire alors un livre, j'appelle cela du vice. En cet endroit, je ne puis plus éviter de donner la véritable réponse à la question « Comment l'on devient ce que l'on est ?» Et par là, je touche au chef-d'œuvre dans l'art de la conservation de soi, dans l'art de l'égoïsme. Si l'on admet, en effet, que la tâche, la détermination, la destinée de la tâche dépasse de beaucoup la mesure moyenne, il n'y aurait pas de plus grand danger que de s'apercevoir soi-même en même temps que l'on aperçoit cette tâche. Devenir ce que l'on est, cela fait supposer que l'on ne se doute même pas de ce que l'on est. Considérés à ce point de vue, les méprises que l'on commet dans la vie prennent un sens et une valeur propre. On prend parfois des chemins de traverse, on fait des détours, on s'arrête au bord de la route, on se plaît aux situations modestes. On met tout son sérieux à accomplir des tâches qui se trouvent de l'autre côté de la tâche propre. Une grande sagesse, et même la suprême sagesse se manifeste ainsi. Là où nosce te ipsum serait le surmoyen de se perdre, s'oublier, se méconnaître, se rapetisser, se rendre plus étroit et plus médiocre, devient la raison même. Pour m'exprimer au point de vue moral, l'amour du prochain, la vie au service des autres et d'une autre cause peuvent devenir des mesures de sûreté pour conserver le plus dur amour de soi. C'est là le cas exceptionnel où, contre ma règle et ma conviction, je prends parti pour les instincts désintéressés. Il travaille ici au service de l'égoïsme et de la discipline personnelle. Il faut conserver intacte toute la surface de la conscience. La conscience est une surface. La préserver du contact de l'un des grands impératifs. Gardez-vous-même de tout grand mot, de toute grande attitude. On court le danger de voir l'instinct se comprendre trop tôt lui-même. Dans l'intervalle, l'idée organisatrice, l'idée qui est appelée à la domination, ne cesse de grandir dans les profondeurs. Elle commence à ordonner, elle ramène peu à peu des chemins de traverse et des détours vers la directive. Elle prépare certaines qualités, certaines capacités qui, comme moyen vers le but général, se montreront un jour indispensables. Elle forme, les uns après les autres, tous les pouvoirs esclaves, avant de laisser entendre quelque chose de la tâche dominatrice du but, de la fin, du sens final. si je la considère sous cette face, ma vie est simplement merveilleuse. Pour accomplir la tâche d'écrire une transmutation de toutes les valeurs, il fallait peut-être plus de capacités qu'il n'y en eût jamais réunies chez un seul individu. Il fallait aussi, avant toute autre chose, des contradictions entre ces différentes capacités, sans que celles-ci fussent à même de se gêner les unes les autres ou de se détruire. La hiérarchie des capacités, la distance, l'art de se séparer sans brouiller, ne rien confondre et ne rien réconcilier, une multiplicité prodigieuse qui, malgré cela, est l'opposé du chaos. Voilà quelles furent les conditions premières, le long travail secret et la maîtrise de mon instinct. La sauvegarde supérieure de cet instinct se montra tellement ancrée au fond de moi-même qu'en aucun cas je ne me suis jamais douté de ce qui grandissait en moi, en sorte que toutes mes facultés jaillirent un jour, soudain, dans leur dernière perfection. Je n'ai pas souvenir que j'aie jamais fait un effort en vue de quelque chose. Dans toute ma vie, on ne retrouve pas un seul trait de lutte. Je suis le contraire d'une nature héroïque. Vouloir quelque chose, aspirer à quelque chose, avoir en vue un but, un désir, tout cela je ne le connais pas par expérience. En ce même moment encore, je jette un regard sur mon avenir, un avenir lointain, comme on regarde la mer calme. Nul désir n'en agite la surface. Je ne souhaiterais nullement que les choses fussent autrement qu'elles ne sont. Moi-même, je ne veux pas changer. Mais c'est ainsi que j'ai toujours vécu. Je n'ai jamais eu de désir. Quelqu'un qui, après sa 44e année, peut dire qu'il ne s'est jamais soucié d'honneur, de femme et d'argent. Non point qu'il ne m'eût jamais manqué. C'est ainsi qu'un beau jour, je devins, par exemple, professeur d'université, et sans y avoir songé, même de loin, car j'étais à peine âgé de 24 ans. C'est ainsi que, 2 années plus tôt, je fus un jour philologue, en ce sens que mon premier travail philologique, mon début à tous les points de vue, me fut demandé par mon professeur, Ritschel, qui le fit paraître dans son Rheinisches Museum. Ritschel, je le dis avec vénération, fut le seul savant génial que j'ai vu jusqu'à présent. Il possédait cette agréable dépravation qui nous distingue, nous autres habitants de la Thuringe, et qui rend sympathique même un Allemand. Pour arriver à la vérité, nous préférons parfois les voies détournées. Par ces paroles, je ne voudrais nullement avoir estimé trop bas mon compatriote plus proche, le malin Léopold de Ranke. On me demandera peut-être pourquoi j'ai raconté toutes ces petites choses, insignifiantes selon les jugements traditionnels. On m'objectera que je ne fais que me nuire, alors que j'ai de grandes tâches à défendre. Je répondrai que toutes ces petites choses, nutrition, lieu et climat, récréation, toute la casuistique de l'amour de soi, sont à tous les points de vue beaucoup plus importantes que tout ce que l'on a considéré jusqu'ici comme important. C'est là précisément qu'il faut commencer à changer de méthode. Tout ce que l'humanité a évalué sérieusement jusqu'à présent, ce ne sont même pas des réalités. Ce ne sont que des chimères, plus exactement des mensonges, nés des mauvais instincts de nature maladive et foncièrement nuisible. Toutes les notions telles que Dieu, l'âme, la vertu, le péché, l'au-delà, la vérité, la vie éternelle. Mais on y a cherché la grandeur de la nature, sa divinité. Toutes les questions de politique, d'ordre social, d'éducation ont été faussées à l'origine parce que l'on a pris les hommes les plus nuisibles pour des grands hommes, parce que l'on a enseigné à mépriser les petites choses, je veux dire les affaires fondamentales de la vie. Or, si je me compare aux hommes que l'on a vénérés jusqu'à présent comme les premiers hommes, la différence qu'il y a entre eux et moi saute aux yeux. Ces prétendus premiers, je ne les compte même pas parmi les hommes. Ils sont pour moi le rebut de l'humanité, produit de la maladie et de l'instinct de vengeance. Ce ne sont que des monstres néfastes et profondément incurables qui veulent se venger de la vie. Je veux être l'opposé de ces gens-là. Mon privilège, c'est d'avoir les sens très aiguisés pour tous les symptômes des instincts bien portants. Il n'y a chez moi aucun trait maladif. Même dans mes moments de maladie grave, je ne suis pas devenu morbide. On cherche en vain dans mon être un trait de fanatisme. À aucun moment de ma vie, on ne pourra découvrir chez moi une attitude prétentieuse ou pathétique. Le pathétique de l'attitude n'appartient pas à la grandeur. Celui qui a communément besoin d'attitude n'est pas franc. Gardez-vous des hommes pittoresques. La vie m'est apparue facile, le plus facile quand elle exigeait de moi les choses les plus difficiles. Celui qui m'a vu durant les 70 jours de cet automne, où, sans interruption, je n'ai écrit que des choses de premier ordre, des choses que personne ne pourrait imiter ou m'enseigner, avec la responsabilité des milliers d'années qui vont venir, celui-là n'aura su percevoir chez moi nulle trace de tension, mais bien plutôt une fraîcheur d'esprit et une gaieté débordante. Je n'ai jamais mangé avec des sentiments plus agréables, je n'ai jamais mieux dormi. Je ne connais pas d'autre manière dans les rapports avec les grandes tâches que le jeu. Ceci est la condition essentielle pour reconnaître la grandeur. La moindre contrainte, la mine sombre, la moindre attitude dure dans la nuque, tout cela sont des objections que l'on peut soulever contre un homme et combien davantage contre une œuvre. On n'a pas le droit d'avoir des nerfs. Souffrir de la solitude, c'est là aussi une objection. Pour ma part, je n'ai jamais souffert que de la multitude. À une époque où j'étais absurdement jeune, à l'âge de 7 ans, je savais déjà qu'aucune parole humaine ne pourrait jamais m'atteindre. M'a-t-on jamais vu triste à cause de cela? Aujourd'hui encore, je possède la même affabilité à l'égard de tout le monde, je suis même plein d'égards pour les inférieurs. Dans tout cela, il n'y a pas un grain de fierté ou de mépris déguisé. Quand je méprise quelqu'un, il devine que je le méprise. Je révolte par ma seule présence tout ce qui a du sang corrompu dans les veines. Ma formule pour la grandeur de l'homme, c'est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Ne pas se contenter de supporter l'inéluctable et encore moins se le dissimuler, tout idéalisme est une manière de se mentir devant l'inéluctable, mais l'aimer.